الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc le thème d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, on continue dans la vie des savants. Ce sera la vie d'Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala. Donc il y a un savant qui a fait énormément de... qui a ramené énormément en ce qui concerne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sciences du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va étudier sa vie, ou on va lire un peu de sa vie, sachant que quand je fais les cours sur la vie des savants, j'ai pas énormément de matériel. C'est-à-dire la plupart du temps, en fait, je prends dans ma maktaba, et quand j'ai un livre qui parle d'un savant ou écrit par un savant, et l'authentificateur du livre, le muhaqqiq, il fait une biographie au début du livre. Si je vois qu'elle est bien, je la fais. J'ai pas plus de sources que ça. Même si normalement, il mériterait qu'on fasse un travail plus gros que ça. Donc, ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu. Donc, le nom de Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah. Abu Bakr, donc ça c'est sa kunya. Ahmed, ça c'est son prénom. Ibn Ali, Ibn Thabit, Ibn Ahmed, Ibn Mahdi. Donc ça c'est son nom. Il s'appelait Ahmed Ibn Ali. Et sa kunya c'était Abu Bakr. Et on l'appelait Al-Khatib. Donc son laqab, son surnom c'était Al-Khatib, Al-Baghdadi, donc de Bagdad. Mawliduhu. Wulida yawm al-khamis li-sittin baqayna min jumad al-akhirati sanata 92 300 wa nasha'a fi Darzayjan. Donc il est né un jeudi dans le mois de Jumada al-Akhira en l'an 392 de l'Hégire. Donc il est né à la fin du 4e siècle de l'Hégire. Et sinon il a vécu principalement au 5e siècle. Et il a grandi à Darzayjan. Donc on a ici beaucoup de noms perses qui vont être cités dans le livre. Peut-être des fois je peux me tromper en les prononçant, Allahu A'lam. En tout cas, je les lis tels qu'ils sont écrits. Darzayjan, qui était un petit village, ou plutôt qui était une ville située au sud de Bagdad, en Irak. Nash'atuhu. Nash'a al-khatibu fi kanfi walidihi, wa kana abuhu khatib al-qaryati wa imam masjidiha 20 sana. Donc, al-khatib a grandi avec son père, sous l'égide de son père, qui était le khatib de la mosquée de la ville. Et l'imam de cette mosquée pendant 20 ans. Wa huwa alladhi batha fihi ruha al-'ilmi wa at-talaqqiya wa habbaba ilayhi al-Qur'an wal-'ilm wa hudura majalis al-'ulama fa dafa'ahu ila Hilal ibn Abdillah at-Tayyib liyu'allimahu al-qira'ata wal-kitaba wa ta'allama qira'ata al-Qur'an al-Karim kama ta'allama wujuh al-qira'at. Donc son père lui a insufflé l'envie d'apprendre la religion et l'a motivé à ça. Et lui a donné l'amour d'apprendre la religion. Donc il l'a habitué à s'asseoir aussi avec les savants. Donc il l'a dirigé vers Hilal ibn Abdillah al-Tayyibi pour apprendre premièrement l'écriture et la lecture. Donc c'est-à-dire l'écriture, l'arabe quoi. Et il a appris après le Coran. Et également il a appris les diverses lectures du Coran. Donc ça c'est déjà petit. Il a appris le Coran complet, il l'a fini, et il a aussi appris les différentes qira'at. Talabuhu lil'ilm. Donc comment il a étudié la religion? Arsalahu waliduhu wa hathahu ala sama' al-hadithi wa huwa ibn 11 sanatan fa asra' al-khatib ila masjid Baghdad wa kana yudarris biha ibn Zarqawiyyah aw ibn Zarqawi. لكنه كتب عنه إملاء مجلسا واحدا ثم انقطع عنه ثلاث سنوات. Donc son père il l'a envoyé pour écouter le hadith et apprendre alors qu'il avait 11 ans. Et il l'a envoyé dans une mosquée à Bagdad dans laquelle enseignait un homme qui s'appelait Ibn Zarqawi. Mais il n'est pas resté longtemps, il s'est assis seulement une seule fois avec lui dans une assise dans laquelle le cheikh dictait. Et donc il a pris de lui seulement dans cette assise et il ne l'a plus revu avant 3 ans. C'est-à-dire il s'est assis finalement qu'une seule fois avec lui. Et on va voir pourquoi. لم يكن انقطاعه للهو واللعب ولكنه ذهب إلى كبار الفقهاء ببغداد ليأخذ على أيديهم الفقه. En fait, il s'est pas détourné de ce shir pour se distraire ou pour jouer. C'est parce que finalement il s'est tourné vers les fuqaha, vers les savants du fiqh à Bagdad, et pour prendre d'eux le fiqh. Donc, ma'arifatul ahkam, la science des ahkam, la salat, du commerce, etc. فتراه يذهب إلى أبي حامد الإسرائيلي الذي انتهت إليه الرئاسة في المذهب الشافعي فيلازمه حتى يتوفاه الله سنة 46. Donc il est allé vers Hamid al-Isfrayini, qui était le plus grand savant de l'école shafi'ite à ce moment-là. Et il s'est accroché à ce savant jusqu'à ce que ce savant meure en l'an 6, c'est-à-dire en 406. Sachant que Khatib al-Baghdadi il est né en 392. Donc là on parle à un âge où il avait 12 ans, rahimahullah. Et il s'est déjà accroché à un grand savant et il a fait jusqu'à ce qu'il meure. 92 jusqu'à... Ah oui, c'est 6, ouais, ça fait 14 ans. وتتلمذ أيضا على شيخ الشافعية أحمد بن محمد المحاملي. Il a appris avec un autre cheikh qui faisait partie des grands savants des Shafi'i, qui était Ahmed ibn Muhammad al-Mahamili. وكذلك علاء أبي الطيب الطبري حتى صار الخطيب من كبار فقهاء المذهب الشافعي. Et un troisième qui s'appelait Abu Tayyib al-Tabari, à tel point que finalement lui-même, Al-Khatib, il est devenu un des grands fuqaha de l'école Shafi'i. Donc du madhab de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Wa ba'dama darasa al-fiqha wa sara faqihan, raghiba wa mala ila al-hadith. Donc après avoir étudié le fiqh, son envie s'est tournée vers le hadith. Qala ibn Khalid kan kana faqihan fa ghalaba alayhi al-hadith wa at-tarikh. Comme l'a qualifié Ibn Khalid Khan, l'historien, rahimahullah, il dit c'était un faqih à propos d'Al-Khatib. Mais c'est le hadith qui a pris le dessus sur lui. Le hadith est At-Tarikh. At-Tarikh, entre guillemets, l'histoire et la connaissance des rapporteurs du hadith. Donc c'est ça qui a pris le dessus finalement, jazakallahu khairan, sur Al-Khatib. لذا فقد تحمل المشاق في طلب الحديث برحلاته للطلب وهي تتمثل في ثلاث رحلات. Donc c'est pour ça qu'il a supporté énormément de difficultés dans ses voyages pour récolter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces voyages, ils sont principalement trois, au nombre de trois. Donc là maintenant, on va voir. Premièrement, les leçons qu'on peut retirer jusqu'ici, c'est At-Tadrij. Comment ils étudiaient la science de façon, il y en a par étapes. On voit qu'il a commencé par des choses simples. Et la première chose de laquelle... j'allais dire, c'est pas qu'ils se débarrassaient, mais qu'ils concluaient au tout début, comme ça après ils sont tranquilles, c'était la mémorisation du Coran. Parce que c'est petit, vers l'âge de 7 ans, de 7 ans à 10 ans, c'est là le meilleur moment pour apprendre le Coran. Parce que si tu l'apprends à ce moment-là, il partira jamais. Alors que si tu l'apprends à 20-25 ans, comme je peux en témoigner ou comme j'ai vu autour de moi, il repart, si tu l'as appris en 2 ans, il repart en 2 ans. Donc il mettra le même, il ira aussi vite pour repartir que le temps que tu as mis pour le prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut diriger ses enfants vers l'amour de la science. Les habituer à s'asseoir par exemple à des cours de ilm. Même si ici on ne parle pas de talab al-ilm, comme eux ils le faisaient, puisque nous, nos enfants, ils apprendront peut-être pas le Coran à 7 ans puisqu'il n'y a pas des structures qui sont faites pour ça. On ne va pas les diriger vers des kibar al-ulama puisqu'on n'en a pas tout simplement. On n'a même pas de ulama tout simplement ici pour les diriger, mais au moins leur faire aimer la science, leur faire aimer le fait d'écouter un cours, leur faire apprendre le Coran le plus vite possible, au lieu de leur faire perdre leur temps avec Spider-Man, avec le foot, avec la PlayStation. Ça, ils peuvent le faire, yani, de temps en temps, si ça peut les faire respirer. Mais le problème, c'est que nos enfants, ça prend tout leur temps. Toute leur ambition, toute leur concentration, elle est retournée que vers la distraction. Alors que les musulmans auparavant, quand ils étaient accrochés à leur religion, ils dirigeaient leurs enfants vers l'apprentissage de la religion. Parce qu'ils savaient que c'est petit qu'il faut commencer pour que ça reste. Et on voit aussi comme ils apprenaient par étapes. Donc là, on va voir les trois voyages de Al-Khatib. لقد استفاد الخطيب بحديث أهل بلده أولا وهو بهذا يطبق منهجا كان يوصي به طلاب العلم قبل رحلتهم وذلك أن يتحملوا عن شيوخ بلدهم قبل الرحلة. Donc, Al-Khatib, premièrement, a appris le hadith des gens de son pays. Et, en faisant ça, il a emprunté la voie que lui-même conseillait à ses étudiants. Et qui est conseillé aux étudiants. En tout cas, à l'époque. Puisque maintenant, le hadith, on ne le récolte plus. Mais jusqu'à l'époque de Al-Khatib, il se récoltait encore avec des asanid, avec des chaînes de transmission. Donc, Al-Khatib, il a d'abord fini d'apprendre le hadith des gens de son pays, que répétaient les gens de son pays, avant d'aller l'apprendre ailleurs. وهذا ما نهجه رحمه الله فقد استقى العلم من علماء مدينة بغداد والواردين عليها. Donc il a profité de la science des savants de Bagdad premièrement, parce que c'était ça sa région, et c'est là qu'il est né. Et aussi de ceux qui passaient par Bagdad. وكانت قلعة العلم وقبلة العلماء, parce que c'était le centre de la science à cette époque, et c'était, comme il le dit ici, قبلة العلماء, la قبلة des savants. وسوف نرى في كتابنا الفقيه والمتفقيه نخبة جليلة من شيوخ الخطيب البغداديين. Et dans ce livre, parce qu'en fait ça c'est l'introduction du livre Al-Faqih wal-Mutafaqih de Al-Khatib al-Baghdadi. Donc il dit on verra tous les shuyukh dont, ou beaucoup de shuyukh dont il a pris la science à Bagdad. Donc il a, là il en a cité quelques-uns. Minhum Abu al-Qasim Ubaydullah ibn Ahmed al-Azhari Abu Muhammad al-Hasan ibn Muhammad al-Khallal وابن التوزي والعتقي وابو القاسم التنوخي وابو عبد الله الصيمري القاضي وابو الفرج الطناجيري وابن زرقاويه وابن شاهين وغيرهم كثير. Donc tout ça c'est des grands savants de qui a pris de qui الخطيب a puisé de la science. وبعد ان نهل الخطيب من هذه الموارد الصافيه بدا الرحله طلبا وشغفا لمزيد العلم. Donc après avoir pris de ses sources pures la science, il s'est tourné vers, et son envie s'est tournée vers le fait de voyager, pour rajouter encore à son savoir. فكانت رحلاته الأولى إلى قرى ومدن قريبة من بغداد وهذه المدن هي. Donc ses premiers voyages, ils se sont dirigés vers des villages et des petites villes qui étaient dans les environs, c'est-à-dire dans la région de Bagdad. منها جرجرايا وعكبر وممن سمع فيها الحسن ابن شهاب العكبري. Donc par exemple, là il cite des noms de villes. Jarjaraya, نعم, et Akbara. ويعقوبة, la ville de يعقوبة, سمع فيها من محمد بن الحسن بن حمدون القاضي. Donc il a entendu de ce cheikh, donc il a cité ici محمد بن الحسن بن حمدون. والنهروان, après la ville de النهروان, سمع فيها من أحمد ابن عمر النهرواني. Donc il a entendu là-bas d'un savant. ودرزيجان سمع فيها من أبي الحسن أحمد بن عمر ابن علي القاضي. Et sa ville natale, درزيجان. وأما رحلاته الأساسية بعد ذلك فهي ثلاث رحلات. Après ça, ses principaux voyages ont été en nombre de trois. Donc là maintenant il va les citer. الرحلة الأولى إلى البصرة مارا بالكوفة سنة 12 و400. Donc le premier voyage c'est vers la ville de Al-Basra en Irak, en passant par la ville de Kufa, en l'an 412. Donc à ce moment il a 20 ans. وكان عمره إذ ذاك 20 سنة التقى فيها بعلمائها ولم تطل إقامته فيها فقد عاد في نفس السنة وفيها توفي أبوه. Donc à ce moment il avait 20 ans et en passant à Basra, il a rencontré les grands savants de la ville de Al-Basra. Mais il n'est pas resté longtemps puisqu'il est revenu dans la même année. C'est-à-dire il est parti en 412 et avant que l'année 412 se finisse déjà, il est rentré chez lui et son père était décédé. Rahimahullah. وَأَبْرَزُ مَنْ لَقِيَهُمْ فِيهَا أَبُو عُمَرْ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَحِيدِ الْهَاشِمِ رَاوِيَةِ السُّنَنِ. Donc le plus connu de qui il a pris à ce moment, c'était Al-Qasim ibn Ja'far ibn Abdel Wahid Al-Hashimi, qui est un des rapporteurs des Sunan, c'est-à-dire des livres de Sunan. ولا شك أنه استفاد برحلة هذه رغم قصرها ويكفي في هذا أن تعلم أن أحد مشايخه الكبار وهو أبو القاسم الأزهري يحتاج إلى أن يسمع بعض مسموعاتهم في تلك الرحلة. Donc malgré que ce voyage à Al-Basra a été court pour Al-Khatib, il en a énormément profité. La preuve, c'est qu'un de ses grands professeurs, donc il a cité ici Abu al-Qasim al-Azhari, il avait besoin d'entendre d'Al-Khatib certaines yani masmu'at, c'est-à-dire certaines chaînes de transmission, certains hadiths qu'il avait entendus dans ce voyage-là. Donc son professeur qui était supérieur à lui avait besoin de certaines masmu'at, c'est-à-dire certains hadiths et certaines transmissions qu'il avait entendues dans ce court voyage. Pour dire que, malgré que ce voyage il fut court, il en a énormément profité. Le deuxième voyage, c'était vers Naysabur. Donc toutes ces villes-là, la plupart, je pense que maintenant, donc par exemple Naysabur, tout à l'heure il a cité Nahrawan, je pense qu'actuellement, si on regarde la carte, ce serait en Iran. عزم الخطيب مرة ثانية على الرحلة ولكنه في هذه المرة كان مترددا إلى أين تكون وجهته هل يرحل إلى مصر حيث محدثها ابن النحاس أم إلى نيسابور حيث أصحاب الأصم. Donc Al-Khatib a voulu voyager après être revenu dans son pays une deuxième fois, mais il hésitait. Est-ce qu'il part en Égypte rencontrer le muhaddith Ibn al-Nuhas ou al-Nahas, je ne sais pas comment on lit ce nom exactement, ou est-ce qu'il part à Naysabur pour y rencontrer les élèves de Al-Asam? Donc il hésitait. فيشير عليه شيخه البرقاني أن يبدأ بنيسابور قائلا له إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد إن فاتك ضاعت رحلتك وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة إن فاتك واحد أدركت من بقي. Et là il a reçu une orientation et un conseil de son cheikh Al-Barqani. Et ça, on peut en profiter quelque chose de cette orientation. Il lui a dit, si tu vas en Égypte, tu n'iras là-bas que vers un seul homme. S'il te manque, ton voyage y sera perdu. Tu auras voyagé pour rien. Alors que si tu pars à Naysabur, là-bas il y a un groupe de savants. Si tu en rates un, tu auras tous les autres. Donc là, qu'est-ce qu'il lui a conseillé, son cheikh? Et c'est le conseil pour ceux qui veulent étudier la religion. C'est de se diriger, si possible, quand ils ont le choix, vers les endroits où il y a beaucoup de gens de science dont ils peuvent profiter. C'est mieux que d'aller dans une ville ou une région où il y a un seul cheikh. Parce qu'effectivement, le cheikh, il va être occupé. Et effectivement, si tu le rates, tu auras tout raté. Alors que, si tu vas, c'est ce qu'on voyait à Médine, par exemple, nous, quand on était à l'université, si tu vas pas chez un cheikh, tu iras chez l'autre. Mais même un simple prof de la jami'a, à tes yeux, c'est un simple prof, et dans son domaine, c'est un alim. Donc c'est comme ça, des villes où il y a beaucoup de gens, donc tu profites. Si avec un tu n'arrives pas à rentrer, avec l'autre tu profiteras. Donc c'est ça le conseil qu'il lui a donné son cheikh. وَبَلَغَ مِنْ اِعْتِنَاءِ شَيْخِهِ الْبَرْقَانِ بِهِ أَنْ أَرْسَلَ مَعَهُ رِسَالَةً إِلَى مُحَدِّثِ أَصْبَهَانَ أَبِي نُعَيْمٍ يُبَيِّنُ فِيهَا ذَكَاءَ الْخَطِيبِ وَحُسْنَ فَهْمِهِ وَيُوصِي بِهِ وَهَاؤُنَا أَنْقُلُ بَعْضَ مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ. Donc son cheikh Al-Barqani prenait tellement soin de lui que quand il est parti, il lui a donné une lettre qui était destinée à Abu Nu'aym Al-Asbahani, donc un des grands ulama de l'islam et donc le savant de la région et un grand muhaddith, pour lui conseiller de prendre soin de son élève Al-Khatib. Donc on va lire ce qu'il lui a dit dans cette lettre. قد نفذ إلى ما عندك عمدا متعمدا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك وليستفيد من حديثك. Donc il a dit, le cheikh Al-Barqani, il a écrit dans sa lettre, il est venu vers toi, Abu Bakr, notre frère Abu Bakr, Ahmed ibn Ali ibn Thabit, donc qu'Allah l'assiste, pour prendre de ton savoir et pour profiter de ton hadith. وهو بحمد الله من له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابتة. Et par la louange d'Allah, par la grâce d'Allah, il a déjà un bon passé dans ce domaine. Et il a un pied ancré dans ce domaine. Là, on parle de l'Khatib, il a la vingtaine. Et son cheikh, il parle comme ça de lui. وفهم حسن. Et il a une bonne compréhension. وقد رحل فيه وفي طلبه وقد حصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له. Et il a beaucoup voyagé à la recherche du hadith et il a acquis dans le hadith ce que beaucoup de ses semblables parmi ceux qui recherchent le hadith n'ont pas réussi à acquérir. وسيظهر لك منه عند الاجتماع به من ذلك مع التورع والحفظ وصحة التحصيل ما يحسن لديك موقعه ويجمل عندك منزلته. Il dit, quand tu seras avec lui, et que tu seras assis avec lui, tu verras qu'en plus de l'wara, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'asset, l'wara, c'est-à-dire il prend des précautions, par exemple avant de manger, avant de prendre de l'argent, etc. C'est-à-dire c'est un pieux. Avec la piété et aussi l'hifz, c'est-à-dire la mémoire qu'il a, et la façon dont il a de prendre la science, ça va t'étonner et ça va te plaire. وأنا أرجو إن صحت منه لديك هذه الصفة أن تلين له جانبك وأن تتوفر له وتحتمل منه ما لم عساه يورده من تثقيل في الاستكثار أو زيادة في الاستبار. Il dit donc, j'espère de ta part, si tu vérifies tout ce que je viens de te dire, que tu sois doux avec lui et que tu sois disponible pour lui, et aussi que tu patientes si jamais il est trop lourd et si jamais il t'en demande trop c'est-à-dire il fait trop de choses qui demandent à ce que tu patientes. Donc je te demande de patienter avec lui. فَقَدِيمًا حَمَلَ السَّلَفُ عَنِ الْخَلَفِ مَا رُبَّمَا ثَقُلَ وَتَوَفَّرُ عَلَى الْمُسْتَحِقِ مِنْهُمْ بِالتَّخْصِيصِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّفْضِيلِ مَا لَمْ يَنَلْهُ الْكُلُّ مِنْهُمْ. Il dit car nos anciens, السَّلَف, supportaient avec le خَلَف, c'est-à-dire avec ceux qui venaient après eux, leurs élèves, ils supportaient beaucoup de leur part, et beaucoup de lourdeur avec leurs élèves. Et malgré ça, ils supportaient. Et ils se libéraient et ils favorisaient d'entre eux celui qui le mérite. Et ils le mettaient en priorité, c'est-à-dire ils pouvaient être plus disponibles et mettre des priorités à certains élèves, des priorités et une faveur que d'autres n'allaient pas acquérir. Donc c'est comme s'ils lui disaient, déjà nos professeurs et nos anciens faisaient ça. Et ils supportaient, ils patientaient avec leurs élèves, et ils en favorisaient certains quand ils voyaient qu'ils le méritaient. Donc je te demande de faire pareil avec Abu Bakr. وَهَكَذَا يَسِيرُ الْخَطِيبُ قَاسِدًا رِحْلَتَهُ وَمَعَهُ تَزْكِيَةُ شَيْخِهِ وَتَوْصِيَتُهُ لِمُحَدِّثِ أَصْبَهَانَ. Donc c'est ainsi que Al-Khatib est parti pour, avec le but d'apprendre la religion, en portant avec lui التزكية, c'est-à-dire la recommandation de la part de son cheikh pour le muhaddith de la ville d'Asbahan. ونراه في رحلته هذه يمر فيها بأصبهان ونيسابور والديثور والتقى بشيوخ كثيرين في هذه الرحلة وأخذ عنهم. Donc dans ce voyage, il est passé par la ville d'Asbahan, de Neysabour et de Deythour, et donc il a rencontré dans ses voyages et dans ses villes beaucoup de savants dont il a pris la science. وبعدها يرجع إلى بغداد ليجمع تلك المرويات ويهذبها ويضمنها مصنفاته. Et après avoir accompli ce voyage, il est rentré à Bagdad et tout ce qu'il a pu entendre comme hadith, comme chaîne de transmission ou autre, il l'a mis dans ses feuillets, c'est-à-dire il l'a enregistré, il l'a écrit et il l'a hadhabahu, c'est-à-dire il l'a classifié. Donc une fois rentré à Bagdad, il ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire là il s'est occupé de rédiger, entre guillemets, tout ce dont il a pu profiter dans son voyage vers Naïsabour et Aspahan, et notamment les hadiths et les chaînes de transmission. ولا شك أنه لا ينسى شيخه البرقاني فلا يزال يتردد عليه ويذاكره الأحاديث وكان شيخه أحيانا يكتب عنه أحاديث ويضمنها كتبه. Et il n'oubliait pas son cheikh al-Barqani, et il allait souvent le voir et il révisait des hadiths avec lui. Et son cheikh apprenait des hadiths de lui. C'est-à-dire que Al-Khatib avait pu acquérir des hadiths que son cheikh n'avait pas. Donc non seulement lui, il n'oubliait pas son cheikh, il continue à aller le voir pour apprendre de lui et pour apprendre avec lui et réviser, et aussi son cheikh, il a profité de lui. Donc c'est ainsi qu'ils étaient l'ulama, les savants. Ils ne refusaient pas d'apprendre de quelqu'un qui était plus petit qu'eux, de quelqu'un qui avait moins d'âge qu'eux et qui avait moins d'âge d'années qu'eux dans at-talab, c'est-à-dire dans talab al-ilm, dans la recherche de la science, comme on le voit ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette science, elle est recherchée par la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui cherche quelque chose pour la face d'Allah, il ne doit pas être orgueilleux. Et s'il cherche la science et il l'apprend pour la face d'Allah, il ne va pas en retirer de l'orgueil. Au contraire, il va en retirer de la modestie. كل هذا والخطيب لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره. Donc tout ça, alors qu'à ce moment-là, il n'avait pas dépassé 27 ans. Donc là, on est à l'âge de 27 ans, on voit qu'il a appris à Bagdad le fiqh avec les plus grands savants de l'école Shafi'i. Auparavant, il a appris l'arabe, le Coran avec ses différentes lectures en étant petit. Et après, il s'est dirigé vers le hadith dans la région, donc dans le pays d'Irak et de Perse. Et alors qu'il avait à ce moment que 27 ans. C'est-à-dire là, on est arrivé où il a l'âge de 27 ans. وما كفى الخطيب ببغداد يلتقي بعلمائها والواردين عليها يذاكرهم ويفيد ويستفيد ويستفيد من علومهم حتى من الله عليه بجمع كتاب تاريخ بغداد وبعدها يعزم على رحلته الثالثة وهي رحلته للحج وكانت فترة مكثه ببغداد ما بين سنة 23 و400 و40 و400. Donc al-Khatib après il est resté à Bagdad. Et donc il rencontrait les savants et il prenait de la science et il prenait aussi des savants et des étudiants qui passaient par la ville de Bagdad, puisque comme on l'a dit, c'était le centre de la science et la direction vers laquelle se dirigeaient les savants. Donc lui, il profitait aux gens de science et à la fois il profitait d'eux, au point où il a réuni son livre Tarikh Baghdad. Donc il y a un gros livre, Tarikh Baghdad. Quand on lit un livre qui s'appelle Tarikh, par exemple Tarikh de telle ville, si on traduit comme ça, ça veut dire l'histoire de la ville. Mais il ne faut pas comprendre que quand tu vas lire l'histoire, voilà, la ville a commencé par, on a posé une pierre, etc. C'est pas ça. C'est dans le sens où il va écrire les noms et, entre guillemets, les biographies des grands savants ou des grandes personnalités de la ville. C'est ça qu'ils appelaient Kutub al-Tawarikh, al-Tarikh. C'est pas un livre vraiment d'histoire. C'est un livre fait de biographies des savants ou des personnalités qui étaient dans cette ville. Donc ça, c'est un des principaux livres de Al-Khatib al-Baghdadi. Et cette période, donc, c'était entre 423 et 400. Non, pardon, après, donc, il s'est tourné vers son troisième voyage pour le pèlerinage. Et c'est la période intermédiaire où il est resté à Bagdad, c'était entre 423 et 440. Donc jusqu'à l'âge de 48 ans. Al-Rihlatu Thalitha, Rihlatu al-Hajj. Le troisième voyage, c'était son voyage pour accomplir le pèlerinage. وتبدأ رحلة هذه سنة 40 و400 فيتوجه أولا إلى دمشق فيدخلها ويسمع بها خلقا كثيرا ثم يتوجه إلى الحج. Donc, son voyage a commencé en l'an 440. Donc, il avait, si je ne me trompe pas, 48 ans. Mais il est d'abord passé en Syrie. Au lieu d'aller directement à la Mecque, il est d'abord passé à Damas, Dimashq en Syrie, et il a entendu beaucoup de savants dans la ville de Damas. Et seulement après, il est parti vers le Hajj. وَكَانَ لَا يَتْرُقُ الْوَقْتَ يَضِيعُ فِي الطَّرِيقِ فَكَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمًا. Et il ne perdait pas son temps, puisqu'en voyage, il finissait le Coran chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, en voyage, il lisait le Coran une fois complètement. ثم يجتمع عليه الناس وهو راكب فيحدثهم. Et une fois qu'il a fini de lire le Coran, donc les gens ils viennent, donc lui il est sur son cheval ou sur son chameau, raqib, les gens ils se réunissent autour de lui et il leur dit des hadiths, c'est-à-dire il leur fait des durus, il leur fait des cours. وبعد وصوله الى مكه يؤدي المناسك ويشرب من ماء زمزم ثلاث شرابات وهو يدعو الله ثلاث حاجات. Donc une fois qu'il est arrivé à la Mecque, donc il a accompli son hajj et il a été boire de zemzem. Et quand il a bu de l'eau de zemzem, il a fait trois invocations à Allah. C'est-à-dire il a demandé à Allah trois choses précises. Al-Ula, an yuhaddith bi tarikh Baghdad biha. La première, c'est d'enseigner son livre Tarikh Baghdad à Baghdad. Al-Thaniya, an yumli al-hadith bi jami' al-Mansour. La deuxième, c'est d'enseigner le hadith à la mosquée Jami' al-Mansour. Et la troisième, an yudfana inda Bishr al-Hafi. Et la troisième, c'était d'être enterré à côté de Bishr al-Hafi, qui était un grand pieu et un grand ascète. وَلَا تَفُوتُهُ الْفُرْصَةُ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنْ يَتَلَقَّ بِالْقَادِمِينَ عَلَيْهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ فَيَسْمَعُ مِنَ الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِي الْمِصْرِي قَاضِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَمِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِصْرِي. Et en même temps, il n'a pas laissé l'occasion passer, alors qu'il était à la Mecque, de profiter des gens de science qui étaient là à ce moment. Donc il a entendu Al-Qadi Abu Abdillah Muhammad ibn Salam Al-Qudai, qui était le grand juge du pays d'Égypte, donc qui était là pour le pèlerinage. Donc il en a profité pour entendre de lui. Et un autre savant d'Égypte aussi. Wa yasma'u, alors là écoutez bien, wa yasma'u Sahih Al-Bukhari min karimata al-mar min karimati al-Marwaziyya, Rawiyati Sahih. Et il a entendu Sahih al-Bukhari de qui? Comment elle s'appelle? Comment il s'appelle le rapporteur? Karima al-Marwaziyya. C'est-à-dire c'est une femme. Elle fait partie des rapporteurs, c'est-à-dire ceux dont on a le Bukhari, les différentes versions. Une des versions, c'est Karima, rahimahallah, qui l'a rapporté. Donc al-Khatib al-Baghdadi, il a pris Sahih al-Bukhari de la bouche de Karima, rahimahallah. Donc une femme. Nous, on cherche juste une femme pour faire des cours d'arabe à nos femmes. On ne veut pas Sahih al-Bukhari. On voudrait juste une qui leur fait le cours d'arabe. Et eux, à l'époque, ils avaient une femme qui leur enseigne, qui enseigne aux ulama Sahih al-Bukhari. Ça, c'est une leçon pour toutes les sœurs. Que si on doit retenir une chose dans la vie de Khatib al-Baghdadi, c'est que Sahih al-Bukhari, il a entendu de Karima. وبعد انتهائه من فريضة الحج يعود قافلا إلى الشام فيمر ببيت المقدس ويجتمع بالعلماء مثل أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن عمر المقدسي ويسمع منه الحديث. Après avoir accompli définitivement donc son hajj, il est reparti vers al-Sham, donc vers la région de la Syrie, et il est passé à Jérusalem et il s'est réuni, ou plutôt il a rencontré les savants de Jérusalem comme Abu Muhammad Abdel Aziz ibn Ahmed al-Maqdisi, et il a écouté le hadith de cet homme. ثم ينتقل الى مدينه صور فيسمع من عبد الوهاب بن الحسين بن عمر ابن برهان ابي الفرج الغزال. Et ensuite il a entendu d'un autre savant dans une autre ville de Syrie qui s'appelait As-Sur. وبعدها يعود الخطيب الى وطنه بغداد بعد ان تحمل وتزود وجمع الحديث ليبدا مرحله جديده من حياته. Après tout ça, après avoir entendu autant de sciences, et après avoir réuni autant de sciences, après, entre guillemets, s'être équipé autant, il est rentré enfin chez lui, dans la ville de Bardad, pour commencer une nouvelle étape de sa vie, qui est l'étape de l'écriture. Donc jusqu'alors, il a écrit Tarikh Bardad, mais ce n'était pas son but principal. Jusqu'alors, il prend. Et maintenant qu'il a pris, il se concentre à écrire et à réciter, c'est-à-dire à, entre guillemets, faire des cours. تحديثه بجامع المنصور. وفي هذه الفترة تتحقق أمنية الخطيب الثانية وهي تحديثه بجامع بغداد بعد أن تحققت دعوته الأولى بتحديثه بتاريخ بغداد بمكة. Donc, dans cette période, sa deuxième invocation, elle s'est réalisée, puisqu'il s'est mis à enseigner le hadith dans Jami' Baghdad, Jami' al-Mansour, donc la grande mosquée de Bagdad, alors qu'auparavant il a déjà réalisé sa première invocation, qui était de réciter son livre Tarikh Baghdad à Mecca. Donc ça, il l'avait déjà fait, donc là il le dit à ce moment-là, il l'avait déjà fait à Mecca, il a enseigné, récité son livre et dicté son livre Tarikh Baghdad, et là sa deuxième invocation elle se réalise, puisque maintenant il dicte et il récite à la mosquée de Jami' al-Mansour à Bagdad, comme il le désirait. وكان توفيق الله للخطيب أن صار أحد زملائه في العلم وزيرا للخليفة العباسي القائم بأمر الله وزميله هذا هو علي بن الحسن بن أحمد أبو القاسم المعروف بابن المسلمة. Et il fait partie de grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a facilité al-Khatib par le fait qu'un des collègues, un des camarades de l'Khatib, fut un grand homme politique, entre guillemets, un noble. Donc un de ses camarades dans la science, c'était un des proches de l'Khalifa. C'était un ministre, un des proches du calife, qui était donc à l'époque, c'était l'Qa'im bi Amrillah al-Abbasi. Donc là, on est dans la dynastie des Abbasides. Et ce camarade, il s'appelait Ali ibn al-Hassan ibn Ahmed Abu al-Qasim. Et il était connu, on le surnommait Ibn al-Muslima. وكان قد حدثت حادثة سنة 47 و400 مع هذا الوزير رفعت من شأن الخطيب. Et en l'an 447, il est apparu un événement qui a élevé al-Khatib aux yeux de cet homme Ibn al-Muslima. وذلك أنه قد أظهر بعض اليهود كتابا وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادات الصحابة وأن خط علي بن أبي طالب فيه فعرضه رئيس الرؤساء ابن المسلم على أبي بكر بكر الخطيب. Donc cette histoire, c'est quoi? C'est qu'un juif, il a sorti un livre à cette époque, une lettre, en disant que cette lettre vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans laquelle il y a la signature, entre guillemets, l'écriture des compagnons, et notamment de Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Isqat al-Jizya an Ahli Khaybar. C'est-à-dire, on prend plus l'impôt des non-musulmans de la ville de Khaybar, qui étaient en grande majorité des juifs. La ville de Khaybar, c'était principalement une ville juive, donc qui était au nord de Médine. Elle était très habitée en majeure partie par des juifs. Donc, un juif, il a sorti un document en disant, voilà, ça vient du prophète, et comme quoi il a, on prend plus l'impôt, le jizya, qui est l'impôt que le gouvernement musulman prend des non-musulmans, on le prend plus des gens de Khaybar. Donc ça a fait une histoire, entre guillemets. Donc Ibn al-Muslima, donc cet homme, il est venu à celui qu'on appelait Ra'is al-Ru'asa, entre guillemets le chef des chefs, qui était Ibn al-Muslima, l'ami de celui qui deviendra l'ami de l'Khatib. Et il lui a montré cette lettre. Et Ibn al-Muslima, il a appelé donc un savant qui était al-Khatib, al-Baghdadi. Et il lui a montré cette lettre. Faqala hadha muzawwar. Donc il lui a dit, ça c'est trompé, c'est falsifié, voilà, barakallahu fik. Qila min ayna lak. Il lui a dit, comment tu peux dire, c'est quoi ton argument pour dire que c'est falsifié? Qala fil kitabi shahadatu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Muawiyah aslama yawm al-fath. Il lui a dit, wa khaybaru kanat fi sanati 70. Il lui a dit, il y a dedans la signature de Muawiyah, soi-disant Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, alors que Muawiyah s'est converti Am al-Fath, l'année de la conquête de la Mecque, et Khaybar c'était l'année 7, donc c'était avant. Donc il n'a pas pu écrire quelque chose qui était avant qu'il se convertisse. وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات يوم الخندق فاستحسن ذلك منه. Et dedans il y avait soi-disant aussi le témoignage de Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari radiyallahu anhu. Or il était déjà mort à ce moment-là, lui c'est le contraire. L'autre il s'était pas encore converti et lui il était déjà mort. Donc les deux témoignages là, ils pouvaient pas exister, ça montrait que le document il était faux. Et cet homme, donc Ibn al-Muslima, il a aimé ça, ça lui a plu. Cette façon dont le Khatib a prouvé que le document il était faux. وبهذا ارتفعت منزلة الخطيب واشتهر حتى سمع به الخليفة وعرف منزلته في الحديث وتوصل الخطيب لحاجته منه أن يؤذن له بالإملاء في جامع المنصور فأذن له بذلك واجتمع الناس بجامع المنصور وأملى الحديث لتتحقق له دعوته الثانية. Donc la position d'al-Khatib a été élevée par cet événement et il est devenu connu. Et le calife, il a entendu parler de lui et de sa place et de sa science dans le hadith. Donc grâce à ça, il a demandé la permission qu'on lui donne la permission de faire l'imla ou al-tahdith dans Jami' al-Mansour. Et on lui a donné. Et donc sa deuxième dua s'est réalisée. Donc c'était il rêvait d'être muhaddith et de faire l'imla dans Jami' al-Mansour. Et grâce à cet événement, le calife il lui a donné la permission. Et donc sa dua s'est réalisée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mihnatu al-Khatib wa hadithatu al-Basasiri. Donc maintenant on va voir l'épreuve d'Al-Khatib, qu'on pourra appeler l'événement de Al-Basasiri. Wa hiya ibaratun 'an inqilabin 'ala al-Khalifati al-Abbas al-Qa'imi bi amrillah. Donc c'était lors d'une révolte qui a été tentée contre le calife al-Qa'im bi amrillah al-Abbasi. Donc celui qui a aidé ou qui a permis al-Khatib de faire le hadith dans Jami' al-Mansur. Wa lam yazal amru al-qa'im bi amri Allah mustaqiman ila an qubida alayhi fi sanati 50 wa 400 wa kana as-sabab fi dhalika an arsalan at-Turki al-ma'ruf bis-sayasir kana qad 'azama amruhu wastafhala sha'nuhu li'adam nudara'ihi min muqaddim al-atrak aw min muqdimi al-atrak. Donc Al-Qa'im bi Amrillah, le calife, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas de problème. Et en l'an 450, il s'est fait, entre guillemets, attraper. Et la cause, c'était un homme qui s'appelait Arsalan al-Turki, et qu'on appelait Al-Basasiri. Donc c'était quelqu'un dont la situation et la place s'étaient agrandies, notamment au sein des Turcs. Et il n'avait pas d'équivalent chez ceux qui arrivaient parmi les Turcs. Donc c'est-à-dire sa place, elle a commencé à monter. Et il a réussi à prendre, donc à capturer le calife et l'a emprisonné. وفي نهاية الأمر أن البساسيري قد استولى على الأمور وحبس الخليفة وقتل وزيره من المسلمة صلبا بعد أن شهر به على جمل في طريق المدينة في طرق المدينة. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Al-Basasiri a réussi à prendre le contrôle de la situation. Il a mis en prison le calife et il a tué son ministre Ibn al-Muslima, qui était parmi les gens de science et qui était l'ami d'Al-Khatib al-Baghdadi. Il l'a crucifié après l'avoir fait tourner sur un chameau dans la ville, comme c'était leur habitude à l'époque. Donc d'abord, il l'humilie bien, donc il l'attache et il le fait tourner dans la ville, et après il l'a crucifié, il l'a tué. وفاد قاضي القضاة الدامغاني بمال كثير. Et il a capturé et pris en rançon et libéré contre une grande rançon le grand juge de l'époque, c'est-à-dire le juge des juges, le chef des juges de Bagdad, qui s'appelait Damirani. Donc c'est-à-dire il a fait des catastrophes. خشي الخطيب على نفسه لذا قرر الهجرة إلى دمشق مستترا مصطحبا معه كتبه وتصانيفه وسماعاته. Donc Al-Khatib, il a eu peur pour lui-même. Comme il était proche du calife et surtout du ministre, donc il s'est dit que cet homme-là, Al-Basasiri, il va aussi l'attraper pour le tuer. Donc il s'est décidé à faire l'hijra, c'est-à-dire il a émigré vers Damas en se cachant. Donc il l'a fait de façon discrète et avec lui, il a pris toutes ses feuilles et tous ses livres. وَلَمَّا وَصَلَهَا بَلَغَهُ الْخَبَرْ أَنَّ الْخَلِيفَ تَتَخَلَّصَ مِنْ مَحْبَسِهِ وَبَلَغَهُ أَيْضًا أن البساسير قتل وحمل رأسه إلى بغداد وعلق إزاء دار الخلافة. Donc après, une fois qu'il est arrivé à Damas, il lui est parvenu la nouvelle que le calife a été libéré et que le Basasiri, sa tête, elle a, c'est-à-dire on l'a tué et sa tête elle est accrochée devant le palais royal, le palais plutôt, je sais pas comment on dit, du calife quoi, à Bagdad. Donc sa tête, la tête de Al-Basasiri, celui qui avait fait emprisonner le calife a réussi à être libéré et ils ont tué cet homme. Ils ont accroché sa tête devant le palais. Donc en fait son épreuve c'était quoi? C'était le danger et l'obligation de se sauver pour sauver sa peau. Mihnatun ukhra lil khatib. Une autre épreuve qu'il a connue Al-Khatib maintenant dans sa vie. Lam yatawana Al-Khatib amam hadhihi al-fitna an da'watihi wa 'ilmihi. فقد اتخذ المئذنة الشرقية من الجامع الأموي مسكنا له وبدأ يدرس ويحدث الناس. Donc Al-Khatib, il ne s'est pas arrêté pendant cette hijra. C'est-à-dire malgré qu'il s'est sauvé pour sauver sa peau, qu'il était caché, il en profite encore pour la science. Et il s'est mis, donc il a pris, il habitait dans le minaret de la grande mosquée, donc Jami al-Umawiyin de Damas. Donc il habitait dans le minaret et il enseignait dans la mosquée. Donc il a profité pour enseigner à ce moment-là. ولكنه يتعرض لمحنة أخرى ذلك أنه قرأ كتاب فضائل الصحابة الأربعة لأحمد بن حنبل وكتاب فضائل العباس لابن زرقاوي. Mais il s'est exposé à une autre épreuve, à un autre problème, c'est que dans son cours, il lisait le livre فضائل الصحابة الصحابة الأربعة, les mérites des quatre compagnons, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, de l'imam Ahmed rahimahullah. Et il lisait aussi un livre فضائل العباس, les mérites de العباس, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc de Ibn Zarqoya, justement un des shuyukh dont il a pris la science. فسمع بذلك الروافض وكانت لهم شوكة فثاروا عليه وأرادوا قتله. Donc الروافض, c'est-à-dire les chiites, ils ont entendu ça. Et à ce moment-là, ils étaient montés en puissance dans la ville de Damas. C'est-à-dire ils étaient nombreux et ils étaient forts. Et quand ils ont entendu que dans la grande mosquée, ils récitent les mérites d'Abu Bakr, Omar et Uthman, ils ont essayé de l'attraper et de le tuer. Parce qu'il faut savoir que Shia, même si vous les voyez à la télé, ils défendent Palestine et je sais pas quoi, ils crachent sur Abu Bakr, Siddiq, et sur Omar ibn al-Khattab, et sur Uthman ibn Affan. Et vous tous là qui êtes présents, pour eux on est des kuffars. Faut pas vous dites, oh, Hezbollah, super, ils vont sauver la Palestine. Super si demain tu vas devant eux, ils tuent comme ils tuent les Yahoud. ils vont te faire, pour eux, tu es dans le même sac. Parce que tu es un sunni. Donc ils détestent Abu Bakr, Omar, Uthman, Aïcha, radiallahu anha. Ils l'insultent. Ils disent que c'est une zaniya. Subhanallah al-Azim. Qabbahahum Allah. Donc ils ont essayé de tuer Al-Khatib. Parce que justement, ils parlaient de, du mérite d'Abu Bakr, Omar, Uthman, etc. وأرادوا قتله ولكنه استجار بالشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم الزينبي. Mais il s'est protégé et il a cherché refuge auprès d'un noble qui était donc quelqu'un de puissant qui était Abu القاسم علي بن إبراهيم الزينبي. فأجاره على أن يخرج من دمشق فيخرج منها إلى مدينة صور سنة 59 و400 وكان يتردد إلى بيت المقدس. Donc cet homme l'a protégé, mais à condition qu'il sorte de la ville. Donc il a dû sortir vers la ville de Sour en l'an 459. Et de la ville de Sour, il allait souvent à Beitul Maqdis. Donc il en profitait pour encore voyager entre la ville de Sour et Beitul Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem. Audatul Khatibi ila Baghdad. Donc là on a vu ces deux épreuves. C'est qu'à chaque fois, il a risqué sa vie et il était menacé. Une première fois par donc un des chefs des Turcs qui voulait renverser le pouvoir et une autre fois par les chiites. Audatul Khatib ila Baghdad. Là maintenant on voit le retour de l'Khatib à Baghdad. Wa ba'da an balagha 70 sanatan 'azima 'ala as-safar ila Baghdad wa fi tariq 'audatihi marra 'ala Tarablus wa sara ila Halab wa aqama biha ayyaman thumma wasala ila Baghdad sanata 62 wa 400 واستأنف دروسه وتحديثه بجامع المنصور واجتمع حوله طلاب العلم بشوق ولهفة. Donc il s'est décidé à l'âge de 70 ans à rentrer définitivement à Baghdad. Et en même temps, il est passé par la ville de en français, je crois qu'on dit Tarablus, comment on dit, je sais plus comment on dit. Peut-être Tripoli, ouais. C'est Tripoli, il y en a plusieurs, donc je sais pas. En tout cas, c'est au Chem, c'est en Syrie. Et aussi Halab, c'est au Lubnan. C'est au Liban, pardon. Et Halab, Halab, c'est en Syrie. Et il est resté plusieurs jours dans ces villes-là. Et après, il est rentré, donc en 462. Et il a recommencé ses cours, donc à l'âge de 70 ans. Il a recommencé ses cours dans la grande mosquée Jami' al-Mansour à Baghdad. Et le Hadith. Et là, les élèves, ils étaient heureux et ils se sont réunis autour de lui avec beaucoup de soif de savoir, puisque c'était le plus grand savant de l'époque à ce moment-là. Wafatuhu, rahimahullah. Donc la mort de Al-Khatib. Walakinahu lam yadam tawilan, faqabla an yamurra alayhi aamun, marid al-Khatib, wa kana dharika fi muntasafi ramadana, sanata 63 و400. وأوصى بتوزيع ثورات تروثه وذلك بعد أن استأذن من الخليفة حيث أنه لم يكن له وارث ولا عقب. Donc une année n'est pas passée avant que le Khatib tombe malade après son retour. Donc il n'est pas resté longtemps à Baghdad après son retour. Donc vers la moitié du mois de Ramadan en l'an 63, donc 463, il est tombé malade. Et il a demandé, il a fait un testament pour qu'on distribue tout son héritage. Mais avant ça, il a demandé la permission au calife. Puisque normalement, on ne fait pas un testament pour distribuer tout son héritage. Mais lui, il a fait ça parce qu'il n'avait pas tout simplement d'héritier. Et il n'avait pas de descendance. وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ وَتُوُفِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي سَبِعِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ 63 و400. Donc sa maladie, elle s'est intensifiée. Et il est décédé, رَحِمَهُ اللَّهِ. Donc dans le septième jour de Dhul-Hijjah, en 463. Donc à l'âge de 63 plus 8, 71 ans. وَتَذْكُرُ أَصْحَابُهُ دَعْوَتَهُ وَتَذَكَّرَ أَصْحَابُهُ دَعْوَتَهُ فَدَفَنُوهُ بِجَانِبِ بِشْرِ الْحَافِ وَتَحَقَّقَتْ بِذَلِكَ دَعْوَتُهُ الثَّالِثَ. Et ses amis, ils se sont rappelés de l'invocation qu'il faisait, comme quoi il aurait aimé être enterré à côté de Bishr al-Hafi. Donc ils l'ont fait. Et ils l'ont enterré à côté de Bishr al-Hafi. Et donc sa troisième invocation, elle a été exaucée. Donc on voit que les trois invocations qu'il a fait quand il a bu de l'eau de Zemzem, elles ont été exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ritha'uhu. Donc là, c'est un poème, c'est-à-dire écrit à l'occasion de sa mort. قال أبو الخطاب ابن الجراح المقري يرثي الخطيب بأبيات منها. Donc je peux pas tout traduire, mais au moins on va le lire. فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة وأعجز الناس في تصنيفه الكتب. Donc il dit dans son poème, Al-Khatib a dominé les gens, a dominé la création dans la véracité et dans la connaissance. Et les gens sont incapables de faire ce qu'il a fait dans les livres, dans son écriture des livres. حمى الشريعة من غاو يدنسها بوضعه ونفى التدليس والكذبة. Il a protégé la sharia, c'est-à-dire la religion, d'un perdu qui voudrait la salir en inventant, et il a aussi écarté le tadlis et le mensonge. Le tadlis, c'est-à-dire la tromperie, les cachotteries entre guillemets dans le hadith. On va pas expliquer ça maintenant. جلّ محاسن بغداد فأودعها تاريخه ملخصا لله مخلصا لله محتسبا. Là, ils ont fait une erreur. Donc il dit, il a exposé les beautés de la ville de Bagdad dans son livre At-Tarikh, sincère pour Allah et espérant sa récompense. وقال في الناس بالقسطاس منحرفا عن الهوى وأزال الشك والريبة. Il a parlé à propos des gens avec équité, en s'écartant des passions, et il a enlevé le doute et les incertitudes. Des gens, c'est-à-dire, il a parlé des savants et des rapporteurs du hadith. سقى ثراك أبا بكر على ظمأ جوء ركام تسح الواكف السربا. Donc là, par contre, je ne peux pas le traduire. ونلت فوزا ورضوانا ومغفرة إذا تحقق وعد الله واقتربا. Donc il lui fait une dua. Il dit, j'espère que tu auras le succès, la satisfaction et le pardon lorsque la promesse d'Allah se concrétisera et s'approchera. يا أحمد بن علي يا أحمد بن علي طبت متجعا وباء شانيك بأوزار محتضبة. Parce que le problème, c'est qu'il y a, en fait, depuis tout à l'heure que je lis, il y a des erreurs de frappe. Donc, le dernier bait non plus, j'arrive pas à le lire. Donc, après, on va étudier maintenant plus la personnalité, yani al-shakhsiyya al-ilmiyya, de Al-Khatib al-Baghdadi. C'est l'heure de la prière ou pas? C'est quelle heure? Hein? C'est à quelle heure exactement? 23. Donc, comme ça, à 33, on fait tout, on fait la dinde et les comment. العلوم التي نبغ فيها الخطيب. Donc les sciences dans laquelle le khatib s'est distingué. اولا تعلم القران وتعلم وجوه القراءات وكان ذلك في صغره. Donc premièrement, il a appris le Coran comme on l'a vu, et il a appris les différentes lectures, et ça c'était quand il était petit, dans son enfance. ثانيا تعلم الفقه واصول الفقه على اكبر مشايخ الشافعيه حتى صار فقيها من كبار فقهاء الشافعية. Ensuite, il a appris le fiqh et les fondements du fiqh, usul al-fiqh, avec les plus grands savants du madhab Shafi'i, au point de devenir lui-même la référence ou une des références dans le madhab Shafi'i. ثالثا درس الأدب واللغة. Il a étudié également la littérature arabe et la langue. رابعا درس علم الحديث حيث سمعه ورحل فيه وصنف وجمع وهذب ورتب. Il a étudié le hadith, il a entendu le hadith, il l'a récolté, il a voyagé pour le récolter, il a écrit dans le hadith, il a regroupé beaucoup de choses dans le hadith, وهذب ورتب. Et il a classifié et il a fait un travail donc un travail bien élaboré et bien classifié dans le hadith. وخامسا اشتغل بالتاريخ بعد مع نقد الرجال. Et aussi, il s'est occupé de l'histoire. L'histoire dans le sens dont on l'a vu tout à l'heure. L'histoire des villes, c'est-à-dire les hommes de science et les personnalités des villes. Et aussi, naqt al-rijal, c'est-à-dire la critique des savants et des rapporteurs de hadith. Madhabuhu wa aqidatuhu. Quel était son madhab et quelle était sa aqida, sa croyance? Amma madhabuhu fil furu'i fa kana shafi'iyan kama marra bina. أنه تتلمذ على يد أبي الحسن المحامدي والقاضي أبي الطيب الطبري وهم من كبار المذهب. Donc dans son madhhab, comme on l'a déjà vu, il était de l'école Shafi'i. Donc c'était l'école qui était, on va pas dire à la mode, mais c'était très répandu à l'époque. On voit beaucoup de savants de cette époque-là et beaucoup de muhaddithin, ils étaient de l'école Shafi'i. Puisqu'on a vu, comme on l'a vu déjà, il a appris avec les plus grands savants de cette école. وأما في الصفات فمذهبه مذهب السلف لا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. Et en ce qui concerne la croyance en Allah et aux qualités d'Allah et aux attributs d'Allah, il était sur la croyance de As-Salaf al-Salih, c'est-à-dire qu'il ne reniait pas les qualités d'Allah, il ne disait pas qu'Allah ressemble à ses créatures dans ses qualités et ses attributs, wala tamthil wala takyif, et il ne cherchait pas le comment ou à décrire les attributs d'Allah. Donc on voit qu'il était sur le droit chemin, au juste milieu. Il croit à toutes les sifat qui sont citées dans le Coran et dans les hadiths, sans les détourner. Il ne dit pas oui mais ça veut dire autre chose, mais il ne dit pas non plus c'est comme l'être humain. Ça c'est les sifat illa. Donc ça c'était l'aqidah de Salaf al-Salih. Donc c'est pour ça que j'ai aimé faire la biographie d'Al-Khatib. Parce qu'en plus de sa science et de tout ce qu'il a ramené, il était sur l'aqidah al-Salafiyya. Il était sur l'aqidah de Ahl Sunnah wa Jama'a. قال الخطيب. Donc là on va lire une parole de l'Khatib justement sur ce sujet. قال رحمه الله أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. Donc il dit en ce qui concerne les attributs d'Allah, الصفات, et ce qui est rapporté comme hadith authentique, alors la voie des salafs dans ce sujet, c'est de les affirmer. Donc déjà, l'ithbat, c'est-à-dire on ne les renie pas, on les affirme et on y croit. Wa ijra'uha ala zawahiriha. Et de les prendre telles qu'elles sont, ala zahir, c'est-à-dire telles qu'elles sont écrites. Wa nafyu al-kayfiyati wa tashbihi anha. Sans chercher à comprendre ou à savoir le comment, c'est-à-dire par exemple quand on dit yadullah, on ne cherche pas à savoir comment. Kayfa yadullah, comment aller la main d'Allah, on ne cherche pas. Nuthbituhu, on y croit, et on ne cherche pas à savoir c'est comment. Wala tashbih, et on ne dit pas Allah sa main elle est comme la main des hommes, puisque Allah est différent de ses créatures. Waqad nafaha qawmun fa abtalu ma athbatahu Allah wa haqqaqaha qawmun min al-muthbitin fa kharaju bidhalika ila darbin min at-tashbih wa at-takyif. Donc il dit certaines personnes les ont reniées, et donc ils ont renié ce qu'Allah a affirmé. Et d'autres personnes y ont cru, mais ils ont été trop loin jusqu'à aller à faire ressembler Allah à ses créatures et à décrire les attributs d'Allah. Si vous pouvez arrêter de discuter parce que déjà j'ai du mal. وَالْقَصْدُ إِنَّمَا هُوَ سُلُوكُ الطَّرِيقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. Et il dit, et ce qui est voulu, c'est le chemin qui est entre les deux. وَدِينُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْغَالِ فِيهِ وَالْمُقَصِّرِ عَنْهِ. Il dit, et la religion d'Allah, elle est entre l'exagération et le laxisme. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. Donc là, il dit exactement ce qu'il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quelques centaines d'années après. Il dit, car le fait de parler sur les attributs d'Allah, c'est comme parler sur Zatullah, c'est-à-dire sur Allah lui-même, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il explique. ويحتذي في ذلك حذوه. Il dit c'est au même niveau. ومثاله exemple. فإن كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. Il dit on sait que le fait d'affirmer qu'Allah existe, c'est on l'affirme dans le sens où justement il existe. On n'affirme pas comment il est, comment est son être. Quand on dit qu'Allah est et on y croit, ça veut dire qu'il existe. Ça ne veut pas dire qu'on le décrit et on dit comment il est. فَكَذَلِكَ إِثْبَاتُ صِفَاتِهِ إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ وُجُودٍ لَا إِثْبَاتُ تَحْدِيدٍ وَتَكْيِيفٍ. Il dit c'est la même chose pour les sifats, les qualités d'Allah. On les atteste dans le sens où elles existent, mais ça ne veut pas dire qu'on les décrit. فَإِنْ قِيلْ لِلَّهِ يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ فَإِنَّمَا هِيَ صِفَاتٌ أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ ولا نقول إن معناها إن معنى اليد القدرة ولا إن معنى السمع البصر والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. Il dit si par exemple on dit Allah a une main et Allah a une ouïe et Allah a un regard, donc tout ça c'est attesté dans le Coran. Il dit ça ce sont des qualités qu'Allah s'est attribuées à lui-même. On ne dit pas sa main veut dire sa capacité. Et on ne dit pas son ouïe et sa vue, ça veut dire sa science. On les détourne pas, on les prend tels qu'ils sont. Il dit, mais en même temps, on ne dit pas ce sont des membres. Parce que pour Allah, on ne parle pas de membres. On parle de membres pour un être humain. Parce qu'un membre, ça peut se détacher de la personne. C'est pour ça que quand on parle d'Allah, on ne parle pas de jariha, de jawari. Allah lahu yad, khlas, yakfina. Ça nous suffit de dire Allah, il a une main. Et donc, on ne dit pas que sa main, c'est comme les mains des êtres humains. Ou que son ouïe ou son regard, elle est comme l'ouïe ou le regard des êtres humains. إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها. Il dit simplement il faut y croire et les affirmer, car c'est comme ça que ça a été rapporté. ووجب نفي التشبيه عنها. Et aussi il faut attester que ces attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. لقوله ليس كمثله شيء. Car Allah a dit rien n'est à l'exemple d'Allah. ولم يكن له كفوا أحد. Et rien n'est comme Allah. مناقبه وأخلاقه. Donc après l'adhan, après l'Aïcha plutôt, pour ceux qui veulent rester, on verra les caractères, les comportements de l'Khatib et aussi les éloges que lui ont fait les savants, les critiques qui ont été faites contre l'Khatib de la part de certains savants et les réponses à ces critiques et aussi ses livres. Il a beaucoup de livres, on parlera de certains de ses livres comme ça vite fait, Inch'Allah. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه